Apocalypse chapitre 15. Puis je vis au ciel un autre signe, grand et admirable, savoir, cet ange qui avait les sept dernières plaies, car c'est par elles que la colère de Dieu est consommée. Je vis aussi comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient obtenu la victoire sur la bête, sur son image, sur sa marque, et sur le nombre de son nom, se tenant sur la mer qui était comme de verre, et ayant les harpes de Dieu, qui chantaient le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, que tes œuvres sont grandes et merveilleuses, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, ô Roi des saints, Seigneur, qui ne te craindra, et qui ne glorifiera ton nom? Car tu es saint toi seul, c'est pourquoi toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, car tes jugements sont pleinement manifestés. Et après ces choses je regardais, et voici, le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert au ciel. Et les sept anges qui avaient les sept plaies, sortirent du temple, vêtus d'un lin pur et blanc, et ceints sur leur poitrine avec des ceintures d'or. Et l'un des quatre animaux donna aux sept anges sept fioles d'or, pleines de la colère du Dieu vivant au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de la fumée qui procédait de la majesté de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les sept plaies des sept anges fussent accomplies.